Voyons maintenant les mots français se terminant par zion, S-I-O-N, ou un sion, S-S-I-O-N. Ces terminaisons deviennent le plus souvent sion, S-I-O accent aigu N en espagnol. Pour transformer ces mots, il suffit donc d'ajouter un accent sur le O et de n'utiliser toujours qu'un S. Et oui, c'est bien connu, l'espagnol n'est pas très généreux avec ses consonnes. Entraînons-nous un peu. Si trop se dit demasiado, D-E-M-A-S-I-A-D-O, et j'ai l'impression que, tengo la impresión de que en deux mots, hein, comment diriez-vous? J'ai l'impression que tu travailles trop, Carmen. Tengo la impresión de que trabajas demasiado, Carmen. Tengo la impresión de que trabajas demasiado, Carmen. Notez que l'apostrophe n'existe pas en espagnol. Et les mots finissant par sion étant toujours féminin, on a donc utilisé la. La impresión. Pour vous souvenir de tengo, j'ai, pensez au tango, la danse. Vous auriez pu aussi utiliser cette phrase. Tengo la impresión de que estás trabajando demasiado, Carmen. Vous auriez dit alors, j'ai l'impression que tu es en train de trop travailler, Carmen. Comme vous le savez certainement déjà, il y a ce dit hay, H-A-Y. Pour dire beaucoup de, on emploie mucho, M-U-C-H-O. Ce mot s'accorde avec le nom qui l'accompagne. Enfin, pour dire personne, on emploie « nadie », N-A-D-I-E. Donc, comment diriez-vous? Il y a beaucoup de confusion, car personne ne veut prendre une décision. Après « nadie », il n'y a pas de négation en espagnol. Vous direz alors, littéralement, « il y a beaucoup de confusion, car personne veut prendre une décision ». Je l'avoue, cette phrase n'est pas facile. Hein? Il fallait dire « hay mucha confusión ». Porque nadie quiere tomar una decisión. Hay mucha confusión porque nadie quiere tomar una decisión. Le de beaucoup de ne se traduit jamais en espagnol. Et, comme je l'ai déjà dit, mucho s'accorde avec le mot qui le suit. On a donc mucha confusión pour beaucoup de confusion. Continuons. Si désastre se dit désastre, D-E-S-A-S-T-R-E, et fonctionner, funcionar, F-U-N-C-I-O-N-A-R, comment direz-vous? C'est un désastre. Ma télévision ne marche pas bien et la réception est horrible. Allons-y point par point. Vamos por partes, comme l'on dirait en espagnol. Dites d'abord, c'est un désastre. Es un desastre. Es un desastre. Traduisez maintenant. Ma télévision ne fonctionne pas bien. Mi televisión no funciona bien. Mi televisión no funciona bien. Et la réception est horrible. Y la recepción es horrible. Y la recepción es horrible. Dites-moi la phrase d'une traite. C'est un désastre. Ma télévision ne fonctionne pas bien et la réception est horrible. Es un desastre. Mi televisión no funciona bien y la recepción es horrible. Es un desastre. Mi televisión no funciona bien y la recepción es horrible. C'est dommage. Qué lástima. C'est un véritable désastre pour Roberto, car il ne verra sûrement pas son film préféré. Mission impossible. Comment dirait-on, d'ailleurs, mission impossible en espagnol? Mission impossible. Mission impossible, avec un seul petit S dans chacun de ces deux mots. Mais comme vous pouvez le voir, notre mission à nous est loin d'être impossible, grâce à ces petites transformaciones bien utiles. Comment diriez-vous vision? Vision. Vision. Et dépression? Oui. Depresión, avec un seul S également. Et passion. Bravo, c'est bien. Passion, avec un seul S, bien sûr. Et que me dites-vous de extension? Bien sûr, extension. Pouvez-vous redire les mots passion et extension? Passion, extension. Ok, continuons. Si, como se dice, signifie, comment dit-on, et le mot pour français est française, F-R-A-N-C-E accent aigu S, traduisez cette question. Comment dit-on invasion en français? Comment se dice invasion en français? Comment se dice invasion en français? Et on vous répondrait, se dice invasion. Ça se dit invasion. Bon, on ne peut certainement pas s'entraîner avec tous les mots en sion qui existent. Il y en a tellement, mais je suis arrivé à la conclusion que vous êtes maintenant capable de les deviner tout seul. Prenez cela en considération.